Hébergement d'urgence, quand les femmes précaires dénoncent la maltraitance institutionnelle. C'est un article de Maya Courtois, publié sur le site de Basta, bastamag.net, le 9 mars 2021. Ce sont des voix rarement entendues, celles de ces femmes évoluant dans les méandres des centres d'hébergement d'urgence. Des résidentes du Palais de la Femme, gérées par l'Armée du Salut, dénoncent depuis des années leurs conditions de vie. Quand je me réveille, je me dis « il faut que je sorte du palais ». Et quand je me couche, je me dis « il faut que je sorte du palais ». Mona retire son masque pour se griller une cigarette. Elle a donné rendez-vous dans un parc du 11e arrondissement de Paris. Non loin de là se trouve le Palais de la Femme où elle réside. Ce centre d'hébergement, géré par l'Armée du Salut, a ouvert en 1926 pour accueillir des femmes sans-abri, ayant souvent subi des violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Aujourd'hui, avec 332 chambres, il demeure une structure phare de l'hébergement d'urgence à Paris. 3F Résidence, une société du bailleur social 3F, en est propriétaire. Mona a intégré la résidence sociale du Palais de la Femme en 2016. En théorie, ce dispositif est la dernière étape avant le logement autonome. Il fonctionne avec un bail d'un an, renouvelable une seule fois. En pratique, Mona s'y trouve toujours, presque 5 ans après. Dès mon arrivée, j'ai vu des gens résignés. Certains étaient là depuis au moins 10 ans, raconte-t-elle. Parmi les résidentes interrogées, Anita, par exemple, est entrée dans la résidence sociale fin 2011 et en est sortie 8 ans après. Le relogement est pourtant censé être la priorité du dispositif. La directrice du palais, Sophie Chevillotte, invoque un contexte d'offre de logement de plus en plus difficile en Île-de-France et rappelle les nombreux freins liés aux ruptures dans les parcours d'insertion des personnes accompagnées. D'autant que celles-ci ont, d'après elle, un profil plus précaire que dans d'autres résidences sociales, avec, entre guillemets, beaucoup plus de bénéficiaires des minima sociaux. Selon la direction, le délai moyen de relogement est de 2 à 3 ans. « Je veux sortir du palais, parce que si je reste, je sais ce qui m'attend », soutient Mona. Elle ressasse les décès des résidentes. En 2019, il y en a eu 2. Des femmes dont les états de santé étaient très dégradés, explique la direction. L'une était une voisine de Mona. Elle se souvient avoir croisé cette femme un jour dans la laverie, dans une détresse extrême. « J'ai tout absorbé. » Je me voyais en miroir. L'autre était une voisine de Sophie, une ancienne du palais sortie en 2020. Ça faisait plus de 7 ans qu'elle y était. Elle voulait un appartement thérapeutique, se remémore Sophie. On va briser les omertas du palais. La question des décès fut, quelques années plus tôt, le déclencheur de la création d'un collectif de femmes du palais. En octobre 2016, K est retrouvée morte dans sa chambre du centre d'hébergement de stabilisation, le CHS, un autre dispositif de la structure. Elle parlait 3 langues, avait des ressources pour s'en sortir, mais elle était comme nous, elle ne voyait pas l'avenir, raconte Oriane, ancienne résidente et amie de K. La lutte est née de nos larmes. On s'est retrouvés dans le hall. On s'est dit, c'est la morte de trop. On va s'organiser et briser les omertas du palais. Moins de 3 semaines après, au CHS, un nouveau décès est survenu. Une lettre, signée par plusieurs résidentes, donne alors le départ du collectif en novembre 2016. Dans ce courrier, à l'intention de la directrice, elles écrivent vouloir des réponses à leurs questions sur ce décès. Un sentiment d'insécurité règne au palais, affirme-t-elle par ailleurs. S'ensuit une première réunion avec la direction. Les paroles se libèrent, mais les interrogations demeurent. Le collectif écrit au siège de la Fondation de l'Armée du Salut, faisant part d'un sentiment d'omerta autour du décès et d'une crainte des sanctions envers les résidentes qui se manifestent. La direction nous affirme que les enquêtes ont conclu à des morts naturelles. Elle ajoute qu'une cellule d'urgence médico-psychologique est systématiquement mise en place et qu'il existe une procédure de signalement des situations préoccupantes. Très vite, le collectif devient un espace d'entraide. Le but était de pouvoir accompagner les unes et les autres auprès des travaux sociaux, de la direction, avec des revendications individuelles et collectives, relate Solaraya, une ancienne résidente sociale au sein du palais, qui a soutenu ces revendications. De quoi battre en brèche l'idée que dans les centres d'hébergement, chacun reste dans sa chambre. À partir de 2017, des hommes sont introduits dans la résidence sociale. En 2019, on en comptait 15%, selon la direction. La dénonciation de leur présence devient un leitmotiv du collectif. L'introduction de la mixité a commencé en 2012, lorsqu'une maison relais, accompagnant des hommes, s'est installée au cinquième étage. En 2015, la création d'un nouveau centre d'hébergement d'urgence a aussi entraîné l'arrivée d'hommes, des exilés, pour 3 ans. Mais ces espaces restaient jusqu'ici relativement à l'écart de ceux réservés aux femmes seules. La plupart des femmes accueillies au palais ont un parcours de vie émaillé de violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Plusieurs d'entre elles décrivent une vie commune chamboulée quand la structure a renforcé la mixité. On a déserté les espaces communs. On a commencé à raser les murs, on ne se croisait plus, on ne pouvait plus veiller les unes sur les autres, relate Oriane. Début 2020, une femme de la résidence sociale dépose plainte pour viol contre 2 co-résidents. L'enquête est toujours en cours, les 2 hommes ont été exclus, confirme la direction. Les témoignages recueillis font état bien avant 2020. Des risques liés à la mixité. Quelques mois après l'installation de la maison relais, dès les premières arrivées des hommes, Anita raconte le harcèlement qu'elle aurait subi d'un résident. Lorsque je passais dans les couloirs, il se ruait vers moi. Il m'a fallu le calmer à plusieurs reprises. Un matin, vers 8 heures, l'homme lui a, dit-elle, foncé dessus en disant « Oh, tu vas me faire un gros bisou, viens !» Et j'ai hurlé, je l'ai repoussé, se souvient-elle. À l'arrivée des salariés, elle raconte tout. Je pleurais, je tremblais, il était connu pour être un emmerdeur. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il vient y faire ici, au palais de la femme ?» Malgré son signalement, Anita dit qu'aucun responsable n'est revenu vers elle. De son côté, la direction affirme que le responsable de la maison relais et la chef de service de l'époque nient avoir reçu un tel témoignage. Kehimi Isis, sortie du palais l'an dernier, a porté plainte pour agression sexuelle contre un résident. Le 14 septembre 2018, elle se trouvait près des ascenseurs au cours d'une distribution de pain à la maison relais. Un homme lui a foncé dessus avec une violence inouïe pour rentrer dans un ascenseur avant de se frotter à moi avec une mimique et une attitude de détraqué sexuel, décrit-elle dans sa plainte, déposée le 26 septembre et que nous avons pu consulter. 2 jours après les faits, elle informe la direction de l'incident. Celle-ci assure avoir procédé à l'exclusion temporaire puis définitive du résident. d'autres témoignages d'agression ou de harcèlement sexuel nous sont parvenus. Par ailleurs, nombre de femmes du palais sortent d'un parcours de prostitution. Tout se sait dans la structure, estime Oriane. Les anciennes travailleuses du sexe, comme elles sont rapidement identifiées. Elle évoque un mec qui, à chaque fois qu'il me croisait, me disait « J'ai 50 euros, viens me faire quelque chose ». Parfois, il tapait à ma porte, ajoute-t-elle. Interrogée sur ce sujet, la directrice et la directrice adjointe, Julienne Charton, assure n'être absolument pas au courant de ce type de problème. La prostitution n'a pas lieu d'être ici, martèle Sophie Chevillotte. Si on nous avait informés, on aurait reçu, voire exclu, la personne concernée. Oriane assure pourtant avoir signalé bien des fois ces problématiques lors de réunions. La direction précise qu'un bilan sera tiré cette année sur la question de la mixité dans le cadre d'une étude de faisabilité conduite par un cabinet d'architecture portant sur l'organisation interne du palais. Un diagnostic sera effectué autour d'éventuels changements sur la présence des hommes. Gilets jaunes, comité de soutien, une lutte de plus en plus visible. Entre 2019 et en 2020, le collectif des femmes du palais prend de l'ampleur. Oriane, créée avec d'autres groupes, Femmes Gilets Jaunes, en partie pour donner de la force au collectif, dénoncer le charity business et la maltraitance institutionnelle. Aux côtés des Gilets Jaunes, les femmes du palais deviennent visibles. Elles prennent part à la marche des fiertés, au rassemblement contre les féminicides, plusieurs organisations montent un comité de soutien au collectif. On y retrouve le DAL, le droit au logement, la Maison des femmes de Paris, le Planning Familial 75, le Collectif national pour les droits des femmes, Femmes en lutte 93, etc. L'une des seules élues à leur faire écho est Danielle Simonet, de la France Insoumise. En juin 2019, elle prône dans ses vœux au Conseil de Paris, le retour à la non-mixité au palais. Dominique Versigny, maire adjointe de Paris, en charge des solidarités et de la lutte contre l'exclusion, refuse de les voter. Dans un entretien avec la radio Nombi, Danielle Simonet dénonce un a priori qui est que la parole des précaires est une parole mensongère. Depuis, chaque samedi midi, un rassemblement se tient devant les marches du palais. Sophie Chevillotte et Julienne Charton fustigent les divisions que ce mouvement aurait créées, regrettant des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. « On a eu des résidentes en colère sur ce qui pouvait y être dit », insiste la directrice. Du côté des salariés, certains aussi étaient très en colère. On ne peut pas remettre en cause leur volonté d'accompagner les gens au mieux. Selon Soraya, ce collectif qui a fait du bruit et ne plaisait pas à la direction. Dès 2016, elle jouait sur le fait que tout le monde ne la soutenait pas. On a tout fait pour le casser, juge-t-elle. C'est naturel de s'autogérer quand il y a des carences, estime Oriane. Mais ils ne le supportent pas, parce que quand on le fait, cela montre qu'ils ne le font pas. Des carences spécifiques ou structurelles. Sur le plan du logement, les résidentes témoignent de consignes parfois inadéquates, ralentissant les démarches. Il y avait des problèmes de gestion de dossiers d'ALO, droit au logement opposable. D'ouverture de droit, confirme Micheline Unger, responsable au DAL. La résidence sociale est un dispositif qui a peu de moyens. C'est un travail à flux tendu, argue Mélodie Martin, éducatrice spécialisée depuis 2018 au Palais. Il y a une contradiction entre le besoin réel et le financement disponible. On fait de notre mieux. Parfois, les personnes peuvent aussi être en rupture par rapport au cadre d'accompagnement. Ce fut le cas d'Anita, qui s'est sentie harcelée plutôt que soutenue pour s'en sortir. Voyant ses revenus baisser depuis un arrêt maladie en 2013, elle ne parvient plus à payer son loyer. « J'avais besoin qu'on m'aide à m'aider, mais on m'a enfoncé la tête sous l'eau », dit-elle. Les lettres de relance de la direction pour impayés, que nous avons pu constater, se sont enchaînées. La dernière, le 8 octobre 2016, évoque un délai de 30 jours pour rembourser une dette s'élevant à près de 4 000 euros, sous peine de poursuite judiciaire. Ce jour-là, pourtant, Anita n'est pas là pour réceptionner son courrier. Elle se trouve, depuis plus de 3 semaines, à l'hôpital pour la prise en charge d'une crise suicidaire, comme en témoignent ses documents d'hospitalisation. En mars 2017, Anita reçoit une convocation au tribunal. Une procédure d'expulsion est intentée à son encontre. Après plusieurs reports d'audience, la Fondation de l'Armée du Salut abandonne ses poursuites quelques mois plus tard. Sophie Chevillotte assure que tout est fait avec les travailleurs sociaux pour, entre guillemets, convoquer les personnes le plus rapidement possible afin d'envisager des solutions. Elle défend les procédures de recouvrement des impayés comme un outil pour ramener à la discussion les résidents qui refuseraient de travailler avec l'établissement ou le service social de proximité. Pour des studios d'environ 11 à 15 mètres carrés dans une résidence sociale, la redevance est de 430 à près de 500 euros. Or, Sophie assure avoir vécu près de 8 mois avec des souris. « J'ai connu les punaises 2 fois », témoigne quant à elle Anita. La direction ne nie pas la récurrence du problème. Dans tous les gros bâtiments, dans les hôtels de Paris, même de luxe, il y a des problématiques de nuisibles, estime Sophie Chevillotte. 15 000 euros sont, selon elle, dépensés chaque année pour les combattre. Depuis l'automne 2020, le collectif des femmes du palais n'existe plus comme avant. Une fois les élections municipales passées, les soutiens se sont amenuisés. Les divergences internes ont eu raison de l'organisation collective. Il subsiste des formes de solidarité à un niveau plus individuel. C'est de l'entraide entre résidentes ou anciennes qui se connaissent bien. J'ai par exemple une copine sans papier, explique Kimis Isis. Oriane coordonne, elle, les brigades populaires de solidarité, qui avait donné lieu à un reportage précédent dans Bastamag. Pendant le premier confinement, elle amenait des colis alimentaires au palais. Depuis, elle garde des stocks chez elle et invite les femmes à venir. On en profite pour parler, on prend un café, je les aide pour le logement. Elle, qui ne s'est jamais détachée du palais, espère passer le flambeau. Voilà, c'était donc un article de Maya Courtois, paru dans Bastamag, sur le site donc bastamag.net, ce 9 mars 2021.